passion folle, nuit d'ivresse et roulant d'alcool. Oh yeah. Nuit de clash pour de la viande saoule, soir de match de masse qui se défoule. Oh yeah. Putain de samedi et ses rituels idiots. Bidon, je crois que le samedi au con. La misère et la crasse cachées derrière les parfums et les strass. Jour de course, sortie de la semaine. Derrière ton caddie, tu es ma reine. Jamais. Jour d'effluves, d'essence bon marché. Jour d'étuves dans les supermarchés. Oh yeah. Samedi et ses rituels idiots. Bidon, je crois que le samedi rend con. Oh oui. Putain de samedi, la misère et la crasse cachées derrière les parfums et les strass. Jour de ridicule, jour de basket prohibé. Les filles d'or, je les enculé, j'ai la tête au carré. Jour de princesse au rabais, maquillée comme des voitures volées. Jour de dégueulis, ça c'est la classe en boîte de nuit. Je campe sur mes positions. Le samedi, les gens deviennent confus, crissent leurs pneus au feu vert. T'exploses au premier regard de travers. C'est le jour de la sape, de la marque contrefaçon. Dolce Gabbana, ça tape du hors c'est bidon. C'est le jour des décapotables, musique à danse. Même l'hiver, le jour où tout est impeccable. Au moins jusqu'au 15e vers. Putain de samedi et ses rituels idiots. Bidon, le samedi ça rend.